La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, ce n'est pas le temps qu'on y passe, ni les questions qu'on se pose, mais plutôt à qui on fait appel. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseil à domicile, conseil en magasin, atelier, livraison, pause, on vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Les chemins du vendredi. Cours particulier aujourd'hui en compagnie de Michel Cohen-Halimi. Bonjour Michel Cohen-Halimi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce cours particulier. Je le rappelle, chaque semaine nous donnons la parole à des spécialistes de toutes catégories qui nous offrent une heure de cours particulier sur leur pratique. Le joueur de rugby Daniel Herrero était avec nous la semaine dernière. Avant, on a reçu notamment Julia Kristeva sur la psychanalyse. La semaine prochaine, l'historien de l'art Yann Blanc viendra nous parler de son métier. Et aujourd'hui, un cours de philosophie, donc, cours particulier de philosophie avec une question passionnante. Comment Nietzsche est-il devenu philosophe? Était-ce cette question qui a guidé la rédaction de votre dernier livre, Michel Cohen-Halimi? Oui, en partie, pour partie, c'est surtout en fait quand même l'horizon politique de cette genèse de la philosophie de Nietzsche, mais la prémisse, c'était véritablement de reprendre cette question. Question qui, je crois, n'a jamais été suffisamment posée. Et celui qui, je crois, l'a dit de la manière la plus juste, c'est Jean-Luc Nancy, en 1970, dans la Descartes-Cerisy, où il s'étonne de manière très fine de ce que des philosophes comme Kant se voient étudier. On étudie Kant avant Kant, on étudie le Kant pré-critique de manière longue, minutieuse. On n'accorde pas la même attention à la pensée, dit-il, quasi, on pourrait la nommer pré-tragique, par analogie avec pré-critique. On n'accorde pas la même attention à la pensée pré-tragique de Nietzsche. Et donc, je pense que la question qui était quand même sollicitée par Jean-Luc Nancy il y a des décennies n'a pas été entendue. Et je pense que cette surdité est intéressante parce qu'en fait, elle signifie que la réponse précédait la question. C'est un peu comme dans le film de Chantal Akerman, Histoire d'Amérique, vous savez, il y a un personnage c'est un film très théâtral, il y a un personnage qui arrive sur la scène et qui dit « j'ai la réponse, qui est la question ?» Donc je pense que la question était ordonnée à une réponse préfabriquée, et que étant ordonnée à une réponse préfabriquée, en fait, elle trahissait notre goût pour les figures philosophiques météoriques. Voilà, donc on voulait, on désirait un Nietzsche dont la précocité, la fulgurance s'associaient avec une sorte de surgissement ex nihilo. Donc ça, c'est à mon avis la première chose, c'est un attachement presque romantique au Rimbaud de la philosophie, pour emprunter une expression à Pierre Clastres relative à la Boétie. Voilà, donc on a un Rimbaud de la philosophie, et du coup, la question est préordonnée à cette réponse. Et le deuxième élément d'obstacle, je crois, ou de freinage, qui a empêcher la radicalité du questionnement. Je crois que c'est le statut de Schopenhauer dans les études académiques. Parce qu'en fait, disons-le tout de suite, Nietzsche devient philosophe parce qu'il lit Schopenhauer. Et sans doute ne serait-il jamais devenu philosophe sans avoir lu Le Monde comme volonté et représentation à 21 ans. Mais la place de Schopenhauer dans le post-kantisme, à mon avis, a été longtemps ignoré. C'est-à-dire qu'en fait, le post-kantisme, de manière générale, et dans les études académiques, même si ça a changé, c'était Kant, Fichte, Hegel, la grande voie de l'idéalisme absolu, et puis ensuite Marx, et pourquoi pas Adorno après. Mais en réalité, le post-kantisme, il y a cette grande route, presque une autoroute, qui nous conduit du post-kantisme à l'idéalisme absolu de Hegel. Mais il y a une autre route, et je pense pas qu'elle soit secondaire. Mm-hmm. À mon avis, elle est très importante. C'est la route qui conduit de Kant à Schopenhauer et de Schopenhauer à Nietzsche. Mais alors justement, Michel Cohen-Halimi, vous êtes déjà venu plusieurs fois à ce micro nous parler de Kant. Et c'est la première fois que vous venez pour parler de Nietzsche. Et si on s'arrête un instant justement sur les lieux communs de la philosophie, de même que Nietzsche ne commence pas avec la naissance de la tragédie, on oppose frontalement Nietzsche et Kant en disant ces deux types de philosophie absolument différentes. Est-ce que c'est le cas pour vous? Mais non, précisément non. Je pense que ça vient de la même famille critique et que le maillon intermédiaire Schopenhauer est absolument décisif. Mmh. et ne lisait Schopenhauer que les Nietzschéens, mais pour en fait précipiter le parricide. C'est-à-dire Nietzsche est philosophe par sa lecture de Schopenhauer, mais il assassine Schopenhauer dès la naissance de la tragédie, donc tout va bien. On a encore finalement quand même une sorte de surgissement ex nihilo, et Kant est aux antipodes, alors que on peut pas lire Schopenhauer sans avoir quasiment la critique de la raison pure présente à l'esprit, sinon en tête. Il n'y a pas de philosophie de Schopenhauer sans une relecture, une transformation, un bouleversement de fond en comble de la critique de la raison pure et du rapport du monde nouménal au monde phénoménal. Donc ce bouleversement, Nietzsche en prend acte. Et je pense même que la première ligne de la naissance de la tragédie, qui est « nous allons faire un grand pas dans la science esthétique doit s'entendre évidemment au sens du projet de Kant, une esthétique transcendantale, une science du sensible. Donc à mon avis, il y a là une très grande affinité critique. Et donc il y a une postérité du criticisme qui me semble vraiment méconnue. Et cette méconnaissance ou cette sous-estimation associée au goût pour les figures romantiques ont fait, je crois, que la question du devenir philosophe de Nietzsche a été un peu escamotée. D'autant que sa réputation elle-même, encore aujourd'hui, semble poser problème. Certains lui contestent l'appellation même de philosophe. Nietzsche n'est pas un philosophe, mais je crois qu'il y a pour ça une seule raison. C'est que la philosophie n'a pas pu être atteinte par Nietzsche, non pas parce qu'il n'avait pas la force de l'atteindre, mais parce que la philosophie n'était pas ouverte à lui en tant qu'il voulait jouer. Nietzsche n'a peut-être pas renoncé tout à fait à la philosophie, mais il est certain qu'il a préféré à la possibilité de devenir un philosophe, il a préféré s'adonner à une écriture qui lui permettait continuellement de se jouer de ce qu'il écrivait. Où l'on se dit, Michel Konalimi, que pour répondre à la question « Comment Nietzsche est-il devenu philosophe ?», encore faut-il s'entendre sur le mot de philosophe et savoir si Nietzsche était ou non un philosophe. Vous avez entendu la voix de Georges Bataille, c'était en 1959, Georges Bataille qui pense que Nietzsche n'était pas philosophe. Dans Ecce Homo, Nietzsche dit qu'il peut dire qu'il est le premier philosophe pré-tragique, donc bon, quand même un certain nombre d'énoncés de Nietzsche qui... Il me semble qu'il faut accorder crédit à cet énoncé-là, qui est très surprenant, parce que bien sûr, il y avait des philosophes pré-tragiques avant Nietzsche, donc que signifie être le premier philosophe pré-tragique ? En outre, Nietzsche a tenté tout de même de gagner une carrière académique en philosophe. Il a à plusieurs reprises tenté d'abandonner sa chaire de philologie après la naissance de la tragédie, de faire une thèse de philosophie sur la téléologie kantienne. Donc le désir de devenir philosophe, d'embrasser même une carrière de philosophe, et puis finalement d'avoir toute cette trajectoire qui le conduit dans cette grande confession qui fait éclater toutes les confessions, et qui est Ecce Homo à dire « je suis le premier philosophe tragique », me conduit, moi, à poser que Nietzsche est philosophe. Mais il s'autoproclame comme tel. Oui. Ce qui lui donne pas forcément raison. Je veux dire, il suffit pas de s'autoproclamer philosophe pour dire qu'on est philosophe. Est-ce que vous avez, vous, en tant que chercheuse, professeure de philosophie, est-ce que vous avez une définition de ce que c'est qu'un philosophe? C'est difficile. Non, c'est pas facile, mais je pense que l'index de reconnaissance, c'est quand même le livre. Il y a des livres de Nietzsche qui sont incontestablement de très grands livres de philosophie, sinon tous, mais je veux dire que si on doit coller un peu au canon de reconnaissance d'un livre de philosophie, eh bien par-delà Bien et Mal, La généalogie de la morale, sont quand même d'immenses livres de philosophie. Et Nietzsche lui-même disait que l'entrée dans son œuvre philosophique, l'entrée centrale, c'était par-delà Bien et Mal. Alors, que faisait Nietzsche avant de faire la philosophie ? Alors, avant de faire de la philosophie, il est étudiant en philologie. Très brièvement, sous la contrainte de sa mère, il envisage des études de théologie. Son père était pasteur, mais il bifurque immédiatement, quasi instantanément, vers la philologie. Et là, il brille de tous ses feux. Il est très vite identifié comme une sorte de génie de la philologie par ses maîtres. Il suit son maître Ritschl à Leipzig. Donc là, il naît en 1844 en Prusse. C'est ça, et en 1865, il suit son maître de philologie Ritschl à Leipzig. Et là, comment dire, Ritschl identifie très vite un sujet très brillant et l'incite à publier des études de philologie, alors sur Hésiode et Homère. Il travaille aussi sur Démocrite, il travaille sur Diogène Laërce. Et il l'incite à publier dans une revue qui était vraiment une revue très prestigieuse, qui était le Rheinisches Museum. Et là, Nietzsche publie donc un grand nombre d'études de philologie remarquables et remarquées. Et il va se trouver propulsé, véritablement propulsé, grâce au soutien de son maître Ritschl et à la reconnaissance de tout le milieu philologique pour le brio de son travail philologique. Il va se retrouver propulsé sur une chaire de philologie à Bâle, en février 1869, alors qu'il n'a soutenu aucun doctorat. Voilà, donc ce jeune homme brillant, auteur de multiples articles très repérés, arrive à Bâle en 69 pour occuper une chaire de philologie. Il est donc professeur de philologie, d'abord stagiaire et puis ensuite titulaire. Il a aussi une charge de cours en lycée. Enfin, c'est quelque chose. Alors, Kurt Paul Jans, qui a fait une biographie très importante de Nietzsche, dit que le phénomène n'était pas exceptionnel. Il y a eu d'autres cas, mais enfin, c'est quand même très... très remarquable. Son professeur Rich le dit de lui, parmi tant de jeunes énergies qui me sont passées sous les yeux depuis 39 ans, je n'ai jamais connu, jamais poussé par tous les moyens dont je disposais à travailler dans mes disciplines un jeune homme qui aussi précocement et aussi jeune fut aussi mûr que ce Nietzsche. C'est le premier étudiant de qui j'ai accepté des articles à publier. Si Dieu lui prête longue vie, ma prophétie est qu'un jour, il se trouvera au premier rang de la philologie allemande. Il est l'idole et sans le vouloir, le chef de file de tous les jeunes philologues ici, à Leipzig. Vous direz que je décris une sorte de phénomène. Eh bien, c'est en effet le cas. Vous le rapportez dans votre livre, hein, Michel Koenalimi, cette citation. Est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qu'est la philologie ? Alors, la philologie, c'est vraiment la discipline mère de l'université allemande. C'est l'étude des textes de l'Antiquité grecque et romaine. Et c'est la philologie classique pour Nietzsche. Elle se double d'une fonction d'éducation, d'une éducation à l'humanité. Voilà, les humanités éduquent à l'humanité, forment l'humain de l'humain. Et donc il y a une fonction d'éducation qui double une étude extrêmement méthodique et rigoureuse des textes, qui est véritablement, on pourrait dire, presque un travail d'édition des textes. C'est-à-dire il faut à la fois être capable d'assigner toutes les étapes de la transmission des textes, attribuer les textes à tel ou tel auteur. Donc ça, c'est tout un travail préliminaire, quasi éditorial, trouver l'auteur, toutes les chaînes de transmission. Deuxièmement, et corrélativement, corriger les erreurs dans toutes ces chaînes de transmission. Donc un travail d'émendation, de correction, de l'interlettrage, de mots transformés, ajoutés, toutes les falsifications possibles, toutes les erreurs de copiste. Et puis enfin, une explication. Donc c'est un rapport au texte qui a une sorte de matérialité, de rapport à la littéralité de la pensée, qui est d'une rigueur et qui exige une connaissance et une culture considérables. Donc le jeune Nietzsche ne surgit pas comme un champignon dans le champ de la philosophie. Il a une connaissance du monde grec incroyable. Oui, c'est ça, ce qu'on découvre en lisant votre livre, c'est qu'il y a énormément de textes, enfin énormément, oui, il y a plusieurs textes de Nietzsche, pour la plupart non publiés ou publiés tardivement, qui précèdent la naissance de la tragédie, dans lesquels on trouve finalement ce qui donnera lieu à sa pensée ensuite. Oui, c'est ça qui me semble très important, c'est-à-dire que pour défaire cette image du champignon qui surgit de nulle part, et il est incontestable qu'il y a précocité et fulgurance. Mais il n'y a pas ex nihilo, il n'y a pas de table rase. Et là, ce qui est quand même très impressionnant, c'est l'incroyable nombre de textes qui gravitent autour de la naissance de la tragédie et qui ont été, pour certains, des projets de livres. Je veux dire par là que les conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, qui sont des conférences effectivement prononcées de janvier 1872 jusqu'à mars, ont été abandonnées en cours de route. La philosophie à l'époque tragique des Grecs est un livre que Nietzsche va présenter à Wagner, et devant la moue de Wagner, il renonce. Vérité et mensonge au sens extra-moral, c'est un livre de 1873 qui peut accompagner la totalité de l'œuvre de Nietzsche. Et puis bien d'autres textes, la conférence inaugurale, Homère et la philologie, bien d'autres textes. Donc là, il y a une sorte de champ gravitationnel autour de la naissance de la tragédie qui est la face émergée de l'iceberg. Mais je crois que pour rentrer vraiment dans ce qui se prépare, dans cette sorte d'atelier, de laboratoire de la philosophie de Nietzsche, il faut prendre en considération la totalité de ces textes, oui, et leurs rapports. Et en même temps, les inscrire dans une histoire où il y a un certain nombre de rencontres qui vont être décisives pour Nietzsche. Donc on peut dire que Schopenhauer fait être le philosophe Nietzsche. Il faudra voir comment et pourquoi et ce qui s'est passé. Oui. Mais qu'ensuite, à Bâle, il y a une rencontre tout aussi décisive, qui est la rencontre avec l'historien Jacob Burckhardt. Et puis il y a la fréquentation depuis Leipzig des Wagner, du couple Wagner, Richard et Cosima Wagner, fréquentation qui se resserre parce que Bâle n'est pas très très loin de leur résidence à Tribschen et que Nietzsche se rend à plusieurs reprises là-bas. Et donc là, il va y avoir tout un ensemble de relations, de pensées, de relations et de pensées d'œuvre à œuvre qui vont participer de la maturation de l'œuvre philosophique de Nietzsche. C'est ça, il faut comprendre qu'il y a à la fois la pensée que lui-même va commencer à produire à partir de la philologie, puis qui va devenir ensuite de la philosophie, les rencontres que vous évoquez avec Schopenhauer, avec Wagner, avec ses maîtres, et puis il y a aussi un contexte culturel et historique extrêmement important. Je le rappelle, on est ici ou là, on commence autour des années 1870, en France et en Allemagne, voilà ce qui se passe. Pourquoi faire la guerre à la Prusse ? Il était évident que Bismarck instrumentalisait la question du trône d'Espagne, qu'il l'utilisait comme un leurre pour servir ses ambitions stratégiques et politiques. Et ce que voulait Bismarck, c'était l'unité de tous les États allemands au profit de la Prusse. Et finalement, c'est en poussant la France à déclarer la guerre à la Prusse qu'il les a forcés à l'unité. C'était une guerre que Bismarck méditait depuis longtemps. Monsieur le commandant, la défaite complète de l'armée française, à laquelle nous rendons volontiers l'hommage de la vaillance, a eu lieu à Metz, tandis que l'armée du prince royal de Prusse marche victorieusement sur Paris. Baron von Nagel, il n'est pas d'exemple que des Français se soient rendus sans combattre. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes résolus à défendre la place jusqu'au bout. Vous écoutez France Culture, les chemins du vendredi. Aujourd'hui, un cours particulier avec la philosophe Michel Cohen-Halimi. On se demande comment Nietzsche est-il devenu philosophe, à l'occasion notamment de la parution de son livre « L'action à distance, essai sur le jeune Nietzsche politique » aux éditions Nous, qui est paru cette année, qui est le fruit d'un long travail, n'est-ce pas, Michel Cohen-Halimi, d'une longue gestation. Nietzsche lui-même disait que les meilleurs livres étaient ceux qui avaient connu la gestation la plus longue. Dans quelle mesure est-ce que le contexte historique dans lequel s'inscrit Nietzsche va avoir une influence directe sur son travail ? Alors, je pense que il faut s'entendre sur contexte. Je pense que Nietzsche, dans la dédicace à Richard Wagner, qui ouvre son livre « La naissance de la tragédie », dit qu'il a écrit ce livre dans la guerre. Rappelons que Nietzsche arrive à Bâle et demande la nationalité suisse. Il abandonne la nationalité prussienne. Et il demande la nationalité suisse, laquelle nationalité suisse ne peut pas lui être accordée immédiatement parce qu'il faut un certain temps de résidence. Pourquoi ne veut-il la nationalité suisse ? Parce qu'il considère que les Suisses lui ont fait un cadeau extraordinaire en le faisant venir sur une chaire de professeur de philologie à Bâle, au lieu de la culture et de la philologie. Et donc il l'aurait très reconnaissant. Et donc il veut prendre la nationalité suisse. D'accord. Et donc cette demande qui va être différée et qui va finir d'ailleurs par ne pas venir et lui laisser le statut d'apatride. Nietzsche va se retrouver apatride de ce fait. La condition, c'était que en situation de guerre, Nietzsche resterait neutre. Voilà. Et donc quand vient la guerre franco-prussienne en juillet 70, Nietzsche est très inquiet. très inquiet par la prussianisation de l'unité allemande qu'il attendait, comme d'autres, mais pas de cette manière-là. Mais il dit à sa mère, quand il y a le feu à la maison, il faut porter secours. Mmh. Et donc il s'engage, mais il s'était engagé auprès des Suisses à ne pas entrer dans l'armée, et donc il s'engage comme infirmier. Il s'engage comme infirmier, il reçoit une formation d'infirmier très rapidement, et puis il est envoyé sur le champ de bataille. Donc, ça a été dit par de nombreux commentateurs, mais il faut quand même le redire, parce qu'on ne s'imagine pas Nietzsche, professeur de philologie à l'âge de 25 ans, en train de ramasser des cadavres sur les champs de bataille, et de découvrir l'envers du décor. C'est-à-dire que, dans le fond, la singularité quand même de l'histoire allemande, c'est que l'unité allemande vient très très tard, très tardivement en Europe. Sans doute le plus tard, le pays, on ne peut pas véritablement parler d'Allemagne. Il y a des royautés, le pays est une mosaïque et n'a pas d'unité nationale et politique. Et donc cette unité nationale et politique, elle va se faire à la faveur de la victoire prussienne. Et dans le fond, ce qui caractérise l'histoire allemande et qui, pour Nietzsche, est un élément extrêmement important de ce que je dirais du contexte, entre guillemets, c'est qu'il fait partie de ceux qui pensaient que l'unité allemande allait se produire à partir d'un développement et d'un rayonnement de la culture allemande. Voilà, donc l'histoire allemande, c'est l'histoire d'un peuple qui a anticipé son unité politique par le développement et le rayonnement d'une culture sans précédent. Ça commence avec la défaite d'Iéna en 1806, où le roi de Prusse décrète que pour relever la défaite, eh bien, on va fonder l'université allemande. Donc ça, c'est un grand élément de l'histoire. Et donc là, la relève de la défaite militaire par la création de l'université allemande, avec les plus grands philosophes de l'époque, Hegel, Schleiermacher, Humboldt, voilà, Humboldt qui inscrit la philologie dans l'université allemande de manière qui en fait une discipline mère, une discipline phare. Voilà, donc c'est toute cette histoire-là dont vient Nietzsche. Et donc la Kultur, cet investissement, est un investissement politique. Voilà, l'Allemagne, elle doit produire son unité par la puissance de sa culture. Ça, c'est déterminant ce que vous dites, parce qu'on pourrait croire justement que la philologie, telle que vous l'avez présentée, cette étude des textes, de correction, des falsifications, de la langue, etc., serait coupée de toute forme de contexte. Or, dans la philologie, ce qu'il y a derrière, c'est une réflexion sur ce qu'est la culture, précisément, qui est véhiculée par la langue. Et ce problème-là va littéralement obséder Nietzsche jusqu'à la fin. Oui, ça c'est très important. Je crois que c'est une spécificité allemande qui nous rend d'ailleurs la traduction de ce terme difficile. Kultur avec oui, un K. Oui, Kultur avec un K. On dit qu'il faut traduire par civilisation, mais quand on traduit par civilisation, on ne prend pas la mesure de ce qui est en jeu. Et en fait, Norbert Elias, dans La civilisation des mœurs, a bien expliqué ce point. C'est-à-dire qu'il y a la spécificité de l'unité allemande qui se pense à partir d'une unité culturelle. Et l'Allemagne vient tard à la possession d'une langue philosophique, ça commence avec au XVIIIe siècle seulement. Avant, la philosophie se pratiquait en latin, en français. Donc Lessing, Kant sont quand même les premiers philosophes allemands à écrire en allemand. Ah oui. Donc il y a aussi tout un travail de traduction qui va se développer de manière flamboyante. Et donc là, il y a tout un cortège de penseurs qui sont en train de produire l'unité d'un pays dans sa langue, par sa philosophie, par sa littérature, par son théâtre. Et pour Nietzsche, dans le fond, la victoire prussienne de 1870 va écraser toute cette maturation. Et toute cette maturation va le porter dans une sorte de perspective d'écart et d'étrangeté par rapport à ce qu'est en train de devenir l'Allemagne. C'est ça, il parle de malaise de la civilisation, avant Freud d'ailleurs. Avant Freud, oui. Alors le malaise, c'est... Si on le pense en termes freudiens, mais ça vaut pour Nietzsche, je crois que le malaise, c'est l'affect propre à l'expérience d'une crise dont on ne voit pas l'issue. Voilà. Et donc là, Nietzsche a le sentiment que la victoire militaire prussienne, que la prussianisation de l'Allemagne, parce que finalement l'unité allemande se fait à partir de cette prussianisation, va totalement écraser dans l'œuf le fruit de la Kultur qui était en train de produire une unité politique allemande, qui attendait bien sûr son État, qui attendait son devenir politique proprement institutionnel. Mais là, il y a vraiment un effet d'écrasement que Nietzsche vit comme une défaite en réalité. Pour lui, cette victoire est une défaite. Mais ça veut dire qu'il pense que l'État peut nuire à la culture ? Alors voilà. C'est quand même une question redoutable. C'est une question redoutable et c'est la spécificité du rapport du jeune Nietzsche, je crois, à la politique. Spécificité qui lui vient de sa rencontre avec Burckhardt. Parce que, bien sûr, Burckhardt est son collègue à l'université de Bâle, mais c'est bien plus que ça. C'est à la fois un interlocuteur et puis c'est quelqu'un dont il suit le cours de 1870-1871 qui est ce qui va devenir le livre Les considérations sur l'histoire universelle, qui est vraiment le très grand livre de Burckhardt, qui paraîtra à titre posthume en 1905. Mais Nietzsche suit ce cours, il va suivre, enfin, il va récupérer les notes d'un étudiant sur l'histoire de la civilisation grecque. Donc vraiment, Burckhardt est un interlocuteur de premier plan. Et la pensée de Burckhardt est une pensée de l'histoire qui se tient à égale distance de l'historicisme dominant en Allemagne et de la philosophie de l'histoire de type hegélien. À égale distance de l'historicisme, c'est-à-dire d'un canon d'histoire qui enchaîne des chronologies et des faits linéaires, de manière successive et linéaire, et à l'opposé d'une philosophie de l'histoire à la manière de Hegel, gouvernée par un télos, une téléologie, la manifestation but, ouais, de l'esprit, de la liberté, l'accomplissement de la liberté dans l'histoire, à égale distance de ces deux écritures de l'histoire, Burckhardt inaugure une pensée de l'histoire qui se veut une doctrine des turbulences. Sturmlehre. Et donc les turbulences de l'histoire doivent être analysées à partir de crises, de latences, de forces inconscientes, avec des forces stables, avec des forces mobiles. Et ces polarités de forces qui organisent presque un inconscient de l'histoire, qui va beaucoup marquer Nietzsche, beaucoup le bouleverser, cette polarité, elle est structurée par trois entités majeures. Mmh. Alors l'État, alors ça, c'est une force stable. On fait peu bouger l'État. Son devenir est lent. La religion, élément de stabilité aussi. Et puis, la culture, qui précisément est l'élément, le facteur d'histoire, le facteur qui produit de l'histoire de la manière la plus mobile. Et qui donc, à distance de l'État et de la religion, peut exercer une telle influence sur ces deux facteurs stables qu'il peut les faire changer. Et donc, ce qui me semble très important dans ce que Nietzsche entend de Burckhardt, c'est qu'il y a d'abord un rapport dialectique entre ces trois facteurs et que les périodes d'histoire les plus florissantes sont les périodes d'histoire où ce rapport dialectique, ce rapport tensif, n'est jamais écrasé par une subsomption, par une subordination d'un des facteurs à l'autre. Or, le malaise civilisationnel que vit Nietzsche, outre qu'il est le témoin malheureux de la victoire finalement prussienne sur la France, c'est qu'il assiste à la constitution d'un État bismarckien, affairiste, militaire, qui va se subordonner la culture et qui va, dans ce qui s'appelle d'ailleurs un Kulturkampf, vouloir mettre fin à l'agonie du christianisme. Et donc là, on a un État un peu monstrueux qui devient, dit Nietzsche, État culturel, qui absorbe les dernières lueurs d'un christianisme moribond et qui devient État idole. Et donc là, on a une situation qui, dans les termes où Burckhardt conduisait son analyse, est une situation où les trois facteurs d'histoire se sont réduits à un seul, ou menacent de se réduire à un seul. Et ce dernier État qui absorbe la religion, les derniers feux de la religion chrétienne qui se sécularise, c'est ça l'agonie du christianisme, c'est sa sécularisation. Et qui absorbe la culture et qui transforme complètement déjà l'université humboldtienne, qui supprime l'étude du grec, qui soumet dans le fond les enseignements à des fins professionnalisantes, on dirait aujourd'hui, ou des fins d'utilité, des fins pragmatiques. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la pensée de l'histoire chez Nietzsche, et donc aussi la pensée, et on l'aura compris, les critiques adressées à l'État lui-même, au rôle de l'État, au rôle de la religion et peut-être au rôle de la culture, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il faut le comprendre aussi comme étant une sorte de position entre ces structures et l'individu ? Est-ce qu'au fond, ce que Nietzsche souhaiterait, c'est qu'une forme de libération de l'individu vis-à-vis de l'État notamment, pour pouvoir alimenter cette culture-là ? Je pense que pour Nietzsche, dans un contexte où finalement toutes les questions politiques tournent autour de l'État, on est quand même contemporain de la Commune, on est contemporain de la genèse de l'État allemand, de l'État bismarckien. Faut pas oublier que cet État allemand, il naît dans la Galerie des Glaces, en janvier 1871, alors même que la paix avec la France n'est pas conclue. Donc là, il y a une humiliation qui aura des effets. Il y a vraiment, dans cette guerre de 1870, il y a quelque chose d'un précurseur obscur, d'un précurseur sombre qui annonce mains éléments de ce qui va suivre au début du XXe siècle. Mais en tout cas, l'idée de Nietzsche, dans son rapport à l'État, je veux dire, c'est que la politique ne doit pas être pensée à partir de cette focale exclusive. Et qu'il faut, dans le fond, réintégrer la possibilité d'un jeu tensif, d'un jeu dialectique. Et donc dissident. Voilà, et donc les conférences sur l'avenir de nos établissements d'enseignement vont dans ce sens, c'est-à-dire une mise en alerte, c'est presque un lanceur d'alerte Nietzsche à cette époque. Mais ça va de pair avec sa complicité avec Wagner pour faire renaître la grandeur d'une culture allemande qui imposerait à l'État voilà, une sorte de rapport oppositif et qui redialectiserait le rapport avec l'État, la religion. Quant à ce qui concerne l'individu, je pense que là, c'est vraiment une méditation profonde chez Nietzsche. Dans le fond, la question, c'est la question des types d'individuation qui induisent nos rapports à l'État. Voilà, c'est ça la question. C'est dans le fond, c'est quel est le rapport entre l'humain et le citoyen. Voilà. Et donc, c'est toujours soustraire l'humain, le devenir des sujets, à leur absorption, à leur intégration, à des modes de subjectivation, à des modes d'individuation qui sont restrictivement et de manière réductive pour Nietzsche, les modes d'être du citoyen dans l'État. Donc on peut dire que le jeune philosophe Nietzsche est un Nietzsche d'emblée politique. Oui, je pense, si on entend bien, que cette pensée de la politique, il la doit à Burckhardt, et que cette pensée de la politique, elle intègre voilà, ces trois éléments facteurs d'histoire, et qu'elle se désorbite de la focale État. Voilà. Sans du tout prétendre qu'il est nécessaire de détruire l'État, il faut mettre l'État à une place qui n'est pas la place que Hegel lui a accordée, et qui est donc la place, dans le fond, de l'intégration de toute la société civile à l'État. Il faut finalement délier. Et c'est ça le grand pari de Nietzsche avec la culture. Il faut parvenir à redélier et à redésintégrer, à dissocier et à introduire un rapport dialectique et tensif entre société civile, ou mœurs si on veut, et puis État. Un jour, je trouvais ce livre dans la boutique d'antiquité du Vieux-Rhône. Alors qu'il m'était complètement étranger, je le pris entre mes mains et je le feuilletais. Je ne sais quel démon me souffla « Emporte ce livre chez toi ». C'est en tout cas ce qui se produisit, contrairement à mon habitude d'être très prudent dans mes achats de livres. Rentré chez moi, je me jetais sur le coin du sofa avec le trésor que je venais d'acquérir et commençais à laisser agir sur moi l'énergie de cet ardent génie. C'est une citation de Nietzsche qui raconte sa première rencontre avec le livre de Schopenhauer, Michel Cohen-Halimi. Qu'est-ce que Nietzsche trouve dans ce texte, Le monde comme volonté et représentation de Schopenhauer, qui va bouleverser ainsi son destin de philologue et le faire aller vers la philosophie? Et quel lien entre cette philosophie-là et tout ce qu'on vient de dire sur le contexte politique? Est-ce que ce sont deux choses différentes ou pas? Oui, alors Nietzsche arrive à Leipzig en octobre 1865, et puis son logeur est libraire, et donc voilà, dans les étagères de la librairie, il trouve ce livre, et là, il y a cette rencontre incroyable, foudroyante en effet. Et foudroyante à mains égards parce que Schopenhauer est quand même le métaphysicien qui introduit la vie dans la métaphysique de Kant en quelque sorte. Donc il y a un bouleversement topique qui est que le rapport de l'en-soi à la phénoménalité n'est plus un rapport de connaissance ou de pensée, n'est plus un rapport théorique, c'est un rapport de la vie à ses manifestations phénoménales. Donc là, c'est un bouleversement considérable. Je veux dire que l'en-soi du monde kantien est devenu le vouloir vivre. Et que ce vouloir vivre n'est pas une idée, n'est pas même une idée qui fuirait dans la nouménalité, dans la seule possibilité du pensable. C'est une pulsion, c'est une pulsation, c'est un battement pulsionnel auquel on accède de manière difficile, rare, pour quelques privilégiés, et en tout cas à partir du corps, à partir de certaines expériences du corps, de la douleur notamment. Et donc là, il y a un premier point qui me semble considérable, c'est l'entrée de la vie dans la métaphysique. Alors nous, on est accoutumés à lire Bergson dans ce sens, grande métaphysique de la vie. Mais les Allemands, comme Nietzsche, découvrent voilà cette effraction de la vie dans la métaphysique de Kant. Voilà, vous mettez la vie, vous mettez le vouloir vivre à la place du monde nouménal dans la critique de la raison pure, et vous en déclinez toutes les conséquences. Donc c'est un choc monumental. Et le deuxième élément qui me semble important dans cette rencontre avec Schopenhauer, c'est que Schopenhauer est peut-être, je hasarde cette hypothèse, parce que j'en suis pas complètement assuré, mais je crois que Schopenhauer est le premier philosophe à définir la philosophie comme interprétation. Interprétation des manifestations du vouloir vivre dans le monde phénoménal. Alors à partir de certaines expériences privilégiées, la douleur notamment. Et donc la place du corps aussi qui rentre dans la philosophie. Pourquoi ça parle autant à Nietzsche ? Parce qu'il avait un rapport au corps ou à la douleur déjà, il est déjà malade. Enfin, pourquoi cet écho si fort ? Je pense qu'en soi, c'est quand même un bouleversement métaphysique incroyable. Ouais. Et d'autre part, je pense qu'en effet, et là, on rentre alors dans le devenir philosophe de Nietzsche. Je pense qu'il y a une logique psychique chez Nietzsche. Il le dit lui-même hein, dans l'aphorisme 6 de Par-delà bien et mal, une philosophie, c'est la confession, c'est confession de d'événements qui sont arrivés, qui arrivent à un philosophe de manière involontaire et irremarquée. Il devient le mémorialiste de ce qui lui est arrivé après coup. Donc ce que je veux dire, c'est que oui, il y a chez Nietzsche des coups et des après-coups. Et il y a un certain nombre de coups qui ont certainement été liés à la souffrance et à la douleur. Très jeune, il perd son père. Très peu de temps après, il perd son frère, son petit frère. Et sans psychologiser ni anecdotiser le devenir philosophe de Nietzsche, il y a là une souffrance et qui n'a pas ses mots. Et c'est ça, précisément, toute la logique de l'après-coup, c'est que les choses prennent significativement leur place en parvenant à se formuler dans un langage adéquat. Donc c'est plutôt dans la logique des traces qui vont venir à se formuler après-coup, et je crois grâce à Schopenhauer. Alors la première chose, c'est sans doute, oui, une expérience de la souffrance, indéniablement, et la deuxième chose, ça c'est très frappant, c'est que Nietzsche est dans un rapport extrêmement complexe et très précoce avec la sécularisation du christianisme. Voilà, pour lui, la sécularisation du christianisme, c'est-à-dire l'affaissement de transcendance de cette religion, qui est une des rares religions à s'être anthropomorphisée à ce point, en déléguant sur terre le Fils de Dieu dans la figure d'un homme. Et donc cette religion, elle se sécularise en devenant une morale qui obstrue notre rapport au passé, puisque le christianisme a prétendu dépassé dans le fond toutes les autres religions, les absorber même pour ce qui est du judaïsme, et obstrue dans ce mouvement d'agonie interminable, obstrue toute perspective d'horizon, puisque l'horizon dans la temporalisation chrétienne, c'est quand même un principe d'espérance. Et donc là, il y a un jeune Nietzsche qui, alors même qu'il a 18 ans, écrit un texte qui s'appelle Fatum et Histoire, où il dit que dans le fond, ce serait l'ambition de toute une vie, et qu'il faudrait là associer la philosophie et la science, le projet de toute une vie de sortir de la temporalité chrétienne. Donc s'il y a souffrance et s'il y a expérience de souffrance chez le jeune Nietzsche, mais une expérience qu'on doit penser sur le mode du coup, qui va se formuler, à mon avis, venir à trouver ses termes dans la lecture de Schopenhauer, dans cette métaphysique de la vie incroyable, qui réinvestit la critique de la raison pure pour la bouleverser de fond en comble, eh bien, je crois que c'est là qu'il faut chercher les traces. C'est-à-dire ce rapport douloureux au christianisme, qui pour Nietzsche, dans sa sécularisation inachevée, nous voue à un monde atomisé, pris dans une temporalité moribonde. Le passé est très passé, et l'avenir est sans avenir. Et le principe d'espérance nous tient dans une vie qui nous laisse espérer de vivre sans vivre jamais ce que nous espérons de vivre. Et donc là, il y a l'urgence pour lui, à 18 ans, de délinéariser le temps chrétien et d'accéder à une autre pensée du temps. Et donc je pense que la rencontre avec Burckhardt, d'un côté, le choc Alors, la rencontre avec Burckhardt vient en 69, quand il arrive à Bâle. Et en 65, la lecture du monde comme volonté et représentation, avec un vouloir vivre pulsionnel, avec une philosophie qui est devenue interprétation des manifestations du vouloir vivre dans le monde, et une philosophie qui s'est tellement associée aux sciences que Schopenhauer dit tout de même que son livre majeur, son opus magnum, on pourrait le traduire dans la langue de Bichat. Donc ça, pour Nietzsche, c'est vraiment là, il va trouver les éléments d'une reformulation, je crois, d'un malaise qui n'avait pas encore trouvé ses mots. Burckhardt, Schopenhauer, et il en manque encore au moins un. Et oui, on fait souvent de Nietzsche un penseur solitaire qui n'aurait pas vraiment eu de maître ni de personne avec qui il dialoguait. Et vous montrez dans votre livre, Michel Konalimi, qu'il n'en est rien, qu'au contraire, il y a une sorte de pluralité de compagnons de pensée. On va peut-être essayer de comprendre quel est ce lien justement avec ses compagnons, mais parmi eux, on trouve, on a parlé de Schopenhauer, on a parlé de Burckhardt, on trouve Wagner, vous êtes en train d'écouter Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, 1868, ici par le chef d'orchestre Marek Janowski. Quelle était la relation à Wagner et comment Wagner a-t-il lui aussi contribué à faire de la pensée de Nietzsche qu'elle est devenue d'un point de vue philosophique ? La complicité avec Wagner, elle tient à cet attachement à la puissance politique régénératrice de la Kultur, qui pourrait, dans le fond, faire naître l'Allemagne à elle-même. Il y a toujours cette idée de ce que l'Allemagne est en retard et que son retard, qui se nourrit comme ça de l'expansion d'une culture extraordinaire, va devenir une avance. Voilà. Et donc Wagner est pour Nietzsche, de par sa musique, qu'il admire immensément. Ça, c'est une chose importante. Je crois que, en dépit de tout ce que va signifier pour Nietzsche la dérive de Wagner... Parce qu'on retient leur brouille, surtout. Voilà. Ouais. Il le dit à Peter Gast, quand on a aimé, comme j'ai aimé Wagner, il y a de la vulgarité à penser qu'on désaime une telle musique. Donc, faut pas se méprendre. Il préfère pas Carmen, il préfère pas Bizet à Wagner. Wagner est devenu le nom d'une dérive idéologique redoutable, dont Nietzsche voit venir tous les dangers. Mais l'attachement à Wagner, c'est d'abord la musique de Wagner. Et ce qu'on découvre dans un second temps, c'est que Wagner est aussi quelqu'un qui écrit des textes politiques, des textes esthétiques, et que là, on va voir, on peut comprendre les éléments d'une déhiscence, d'un malentendu, et dans le fond d'un quiproquo et d'une séparation. À l'occasion, les choses vont se précipiter. Le catalyseur de la révélation du malentendu, c'est précisément la victoire prussienne de 1870. Le théâtre de Bayreuth qui était le grand projet de Wagner, qui était le projet d'une réactivation du lien communautaire allemand politique autour de la culture, autour de la musique, et qui devient le haut lieu d'une célébration de l'Empire bismarckien. Ça effraie Nietzsche. Ça le terrifie parce que il a, et c'est là que, me semble-t-il, il est important d'avoir en vue tous les éléments de sa réflexion. Entre Wagner et Nietzsche, il y a Burckhardt. Et donc, entre Wagner et Nietzsche, il y a l'exigence que la pensée politique s'élabore dans un rapport dialectique irréductible entre État, religion, culture. Or, la dérive wagnerienne, c'est la dérive d'une culture qui se voue à la célébration de la grandeur de l'État bismarckien, laquelle grandeur fait de la musique wagnerienne presque une religion de la germanité. Voilà. Et Wagner est devenu, il a évolué dans ce sens ou il était comme ça dès le départ et Nietzsche ne l'avait pas vu ? Alors je pense que Nietzsche n'a pas vu, parce que quand on regarde les textes et certains textes, et je pense que Burckhardt détestait Wagner, à la fois l'homme et ses opéras, et donc il est à mon avis l'élément, l'élément qui est à la fois un intermédiaire, un intervenant, et un intercesseur, et un clarificateur des malentendus, c'est-à-dire que les textes politiques de Wagner sont vraiment des textes qui expliquent qu'il y a eu malentendu. Ils sont très clairement, vraiment, ils préparent toute la dérive wagnérienne, c'est-à-dire que la place d'un monarque faisant coïncider l'État et la religion dans les textes politiques de Wagner est clairement formulée. Donc la musique de l'avenir devient une musique au service de la célébration de l'État allemand. Et alors la dérive s'accroît pour Nietzsche dès lors que les gens qui gravitent autour de Wagner sont quand même des antisémites, des sectateurs d'une Allemagne qui se pense comme race, qui s'arianise et qui pense voilà sa communauté comme une communauté naturelle. Mmh. Et cette naturalité de la communauté, elle exclut eh bien toutes sortes d'éléments, dont les juifs évidemment. Donc l'antisémitisme galopant qui se développe autour des cercles wagnériens. Gobineau est quand même invité 3 semaines dans la villa de Wagner avant la célébration du Parsifal. Donc Nietzsche n'ira pas écouter le Parsifal. La rupture avec Wagner, elle a lieu dès Bayreuth. Elle a lieu en 1876. Et Nietzsche avait écrit Richard Wagner à Bayreuth comme un texte qui devait être presque un texte de manifeste pour Bayreuth, et qui devait circuler dans le public et au sein des cercles wagnériens. Et ce texte-là laisse entendre pour qui sait lire toute la rupture qui s'annonce. Et Wagner, qui est tout sauf idiot, a très bien lu le texte et ne l'a pas fait circuler. Donc Richard Wagner à Bayreuth, ça n'est plus Richard Wagner tel que Nietzsche l'a rencontré et tel qu'avec lui, il a eu l'ambition d'une réviviscence, d'une réactivation de la culture allemande pour neutraliser, dans le fond, l'omnipotence de l'État bismarckien et redialectiser le rapport entre État, culture et religion. Et donc la trahison wagnérienne, c'est la trahison de la dialectique. Et c'est pas de hasard que Nietzsche pensait que Wagner serait l'anti-Alexandre. Il dit l'anti-Alexandre, c'est-à-dire précisément celui qui ne coupe pas toutes ces relations dialectiques et tensives entre les 3 facteurs d'histoire. Mais précisément, ça va être plutôt celui qui les tranche et qui sert un État racialisé, un État qui... dans le fond, dont il sert aussi, dont il nourrit l'idéologie par une mythologie et celtique et chrétienne. Et de ce point de vue-là, le Parsifal, pour Nietzsche, c'est le comble. Mais si la rupture est idéologique, gardons en tête quand même que Nietzsche a l'oreille musicale. Nietzsche était un philosophe de l'oreille. Nietzsche accorde énormément d'importance au son en général, à la musique en particulier dans sa philosophie. Et sans doute l'affinité avec Wagner est-elle à comprendre sur ce plan-là également? Oui. Oui, oui, absolument. Mais je crois que ça, c'est très important qu'on se méprenne pas sur Bizet et sur Carmen. C'est un peu une provocation. Mais dont il dit du bien. Il dit la légèreté de Bizet, enfin, voilà, qui me décharge la lourdeur de Wagner, au fond. C'est comme oui, ça qu'il en parle. Oui, c'est aussi l'Europe méridionale contre cette Europe septentrionale. Il y a toutes sortes de motifs qui se jouent. Mais disons que je pense que vraiment Nietzsche contre Wagner, le cas Wagner, c'est entièrement une question politique. Alors pourquoi se retourne-t-il de manière aussi virulente contre les philologues, contre ceux qui ont contribué à le former? Il le dit, il y en vient à les comparer à des taupes aux bajoux rebondis, aux yeux aveugles. Il évoque leur joie à capturer un ver de terre pour conclure « Quand l'homme ne se réduit pas aux philologues, la susdite engeance commence à s'ébahir d'un tel miracle, ensuite elle se fâche et finalement elle égratigne, aboie et mord ». Alors qu'on pourrait dire que Nietzsche est resté philologue toute sa vie, Michel Connelly. Pourquoi est-il si dur envers eux? Oui, mais son attachement à la philologie est l'attachement à une philologie qui, comme je le disais tout à l'heure, a une dimension irréductiblement éducative. Et donc la culture, comme la Bildung, voilà, c'est le devenir. C'est une réflexion sur tous les modes d'individuation de l'individu, surtout les processus et les temps du devenir humain. Et donc cette dimension-là étant perdue parce que il y a une sorte d'historicisme dominant qui fait que les philologues deviennent des érudits, qui perdent de vue dans le fond leur dimension d'éducateur, qui perdent de vue la perspective large sur couvre leur étude de ces textes qui auraient pu être abandonnés à l'illisibilité ou à l'oubli et qui ne régénèrent pas les perspectives d'interprétation du monde, d'interprétation de ce que c'est que d'être un homme à partir de tout ce savoir historique. Et donc il y a une réduction historiciste de la pratique de la philologie qui désole Nietzsche et qui participe de ce que l'université est en train de devenir. C'est-à-dire, dans le fond, des ouvriers à la chaîne qui, comme il le dit lui-même, sont le nez rivé sur une vis. Burckhardt disait, il y a toute une époque où la vie était une grande question. Maintenant, c'est une entreprise, c'est une affaire. Voilà. Il est très dur envers l'université à son époque, hein, Nietzsche. On trouve dans la deuxième préface, offerte d'ailleurs à Cosima Wagner, l'épouse de Wagner, réflexion sur l'avenir de nos établissements d'enseignement, 1872. Hein, il dit, le lecteur dont j'attends quelque chose doit avoir trois qualités. Il doit être calme et lire sans hâte. Il ne doit pas toujours s'interposer lui et sa culture. Il ne doit pas enfin attendre pour finir un tableau de résultats. Et il précise, il dit, moi je vous promets pas de tableau, de nouveaux horaires pour les lycées et les établissements techniques. J'admire plutôt, dressez l'oreille, la nature surpuissante de ceux qui sont capables de parcourir toute la voie des profondeurs de l'expérience jusqu'au sommet des vrais problèmes de la culture et inversement de ces sommets jusqu'au bas-fond des règlements les plus secs, des tableaux les plus élégants. Me satisfait si en un lieu j'ai gravi une montagne de quelque importance et si je peux un jour jouir d'un horizon plus libre, je ne pourrai jamais dans ce livre satisfaire les amateurs de tableaux. Et ensuite il imagine une culture entièrement renouvelée, purifiée, dans laquelle l'université et l'éducation mèneraient à cette culture-là. Il dit sans doute que ça conduirait à la destruction de l'université, ou tout au moins une transformation si totale de ces établissements d'enseignement que leurs tableaux anciens paraîtront à des yeux à venir des restes d'une civilisation lacustre. C'est absolument glaçant de lire ce texte, Michel Cohen-Halimi. Oui, alors quand on lit les conférences sur l'avenir de nos établissements, et on peut lire aussi avant le texte de Schopenhauer contre la philosophie universitaire, c'est vraiment le devenir affairiste de la culture. C'est une culture mise au pas et ordonnée aux fins utilitaires, pragmatiques du monde économique et financier. Donc il faut des savoirs utiles, il faut des formations utiles, il faut des destins professionnalisants. Enfin bon, je crois que les choses nous sont familières. Et là, Nietzsche, je crois, alors c'est à la fois, me semble-t-il, quelque chose de l'ordre de l'action restreinte de Mallarmé. C'est-à-dire, dans le fond, Nietzsche va investir l'écriture et la lecture de toute la force agissante qu'il avait portée sur la musique wagnérienne. Et en même temps, je crois que cet investissement est véritablement un contre-Bayreuth. Dire, il n'y a plus une musique, une scène, il y a vraiment un travail d'écriture, un travail de lecture, un travail d'écriture qui requiert un travail de lecture. Et finalement, la puissance d'action du penseur, elle est dans ce travail-là. C'est pourquoi je parle, il me semble qu'il y a un parallèle intéressant avec l'action restreinte de Mallarmé, texte de 1897 qui est dans les Divagations, parce que l'acte, toujours, s'applique au papier, s'applique à l'écriture, et que ce travail-là, il vient de la philologie chez Nietzsche, mais il va devenir un travail de sélection du lecteur. Et cette sélection, à partir du texte que vous venez de lire, est une sélection qui fait le partage entre les lecteurs qui homologuent les signes, dans le fond, à des valeurs d'échange, qui sont dans une attitude consumériste. Donc le survol, la récapitulation rapide en un sens, en une communication de sens. C'est tout ce que Nietzsche défait, empêche, ralentit. Et voilà pourquoi, il le dira maintes fois, mais il aspire à être incompréhensible. Il aspire à ne pas être compris, c'est-à-dire précisément à ne pas être réduit au commun d'une communication. Mais il faut, dans l'incompréhension et dans l'expérience de l'incompréhension, s'élever à d'autres perspectives du comprendre. Quelle ambition ! Est-ce que, je ne sais pas, ça rend service aux philosophes de se dire que bah, le but de l'ambition philosophique de Nietzsche est d'être incompris ? Vous la partagez, cette ambition, Michel Cohen-Lemy ? Je trouve qu'elle est très belle hein, et qu'elle est vraiment très inactuelle. Ça, c'est sûr, pour reprendre un terme cher à Nietzsche. Je pense que c'est dans le fond comprendre que la lecture... La lecture est un travail et que le travail de lecture, il est fondamentalement philosophique dès lors qu'on s'interroge sur la manière sur la manière qu'on peut avoir de passer d'un mot à une proposition. Voilà. Et donc, ce passage d'un mot à une proposition qui vise du sens, c'est une question philologique élémentaire. Hein, mais je pense que c'est une question philosophique radicale, fondamentale. Et en ce sens, moi, je suis très attachée à la littéralité de la pensée. Voilà, Nietzsche écrit à Erwin Rode le 22 février 1884. Il lui dit « Tu sais, j'ai écrit mon Zarathoustra à la voyelle près. » Donc je trouve qu'un penseur qui pense à la lettre près, ou à défaut, un penseur qui pense au mot près, voilà, cette rigueur littérale, moi, je dois dire que... Ça force mon respect. Et on la trouve dans votre travail, Michel Cohen-Lemy. Oui, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment un idéal régulateur. Il nous reste quelques minutes, justement, puisque vous parlez de votre rapport au travail. On pourrait faire toute une autre émission pour savoir comment vous êtes devenu philosophe. Mais en attendant, en quelques minutes, je voudrais savoir quels sont, et ça, chaque invité le fait chaque semaine, quels sont les livres qu'on trouve sur votre chevet, les livres qui ont compté pour vous et qui ont, je suis sûre, cette même attention au mot juste. Dites-nous, vous en avez trois, il nous reste 2 minutes. Allez-y. Bon, alors, il y en a trois, mais je ne parlerai que d'un des trois s'il faut précisément. Ah non, oui, je ne sais pas. Alors, c'est bien aussi de savoir. Allez-y. Alors, Théorie des prépositions du poète Claude Royer-Journoux. Le roman policier de Siegfried Krakauer et La montagne magique de Thomas Mann. Alors maintenant, vous pouvez développer, vous avez 2 minutes. Alors je pense que voilà, Claude Royer-Journoux est vraiment quelqu'un, un des poètes contemporains majeurs à mes yeux, qui vraiment nous porte et atteint, nous porte aux limites et atteint les limites articulatoires du langage. Et premièrement, ça je pense que chez lui, c'est vraiment un geste majeur. Il travaille précisément, par exemple... La poésie entière est préposition. C'est un de ces manifestes, presque une proposition manifeste incroyable. Mmh. Et la préposition, c'est vraiment cette unité minimale de sens qui fait que dans un énoncé, on va dans une direction, le sens se constitue dans un horizon ou bascule dans un autre horizon. Et tout particulièrement dans la langue allemande, les prépositions ont un rôle majeur puisque le verbe vient toujours en fin de phrase. C'est vrai. Que toutes les prépositions orientent le regard, préparent la constitution du sens, l'anticipent sans tout à fait le dire encore. Voilà donc... Pour moi, Claude Royer-Journoux est vraiment quelqu'un qui pense littéralement, qui touche cette littéralité de la constitution du sens dans ses unités minimales, dans toute la part sous-estimée, non dite de l'écriture et de la pensée. Donc les prépositions, la typographie, le jeu des romains, des italiques, la disposition sur la page, sur la double page. Mmh. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui, je crois, brise de manière inouïe la clôture du livre. Son premier livre s'est écrit en 25 ans. Et ce premier livre est fait de 4 livres. Et à ce premier livre a succédé Théorie des prépositions, qui s'ordonne encore à une réflexion sur la tétralogie, donc. Et donc, en fait, le livre a des contours qui s'ouvrent. Et comme le livre, pour lui, est un espace mental, on a un espace mental qui grandit, qui pousse ses limites. Et voilà, pour moi, c'est un des très grands livres qui m'accompagne depuis des années. Et vos yeux brillent quand vous parlez de poésie. Merci beaucoup, Michel Cohen-Lemy, d'être venu ce matin nous offrir ce cours particulier sur Nietzsche. Votre livre s'appelle « L'action à distance, essai sur le jeune Nietzsche politique ». On le trouve aux éditions Nous. Et on se quitte avec une chanson qui est une suggestion de votre part. Léonard Cohen, Avalanche, pourquoi cette chanson ? Léonard Cohen, je l'écoute depuis toujours. Eh bien, on l'écoute avec vous. I stepped into an avalanche. It covered up my soul. C'est si beau qu'on va le garder jusqu'à la fin de cette émission. Et c'est donc sur cette chanson de Leonard Cohen, Avalanche, que je vais remercier. J'ai plaisir à le faire chaque semaine, chaque jour, l'équipe des Chemins de la Philosophie, sans qui je ne pourrais pas vous proposer une émission par jour et qui m'aide chaque jour donc à préparer ces émissions. C'est un travail colossal. Aujourd'hui, c'était Laure Blanqui avec Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger, qui a réalisé pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Florent Bujon. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions. On parlera d'Émile Cioran la semaine prochaine. Émile Cioran, désespérément, on se demandera quel est l'inconvénient d'être né. On se demandera si nous vivons dans un monde raté. On verra avec Cioran pourquoi dans un monde sans mélancolie, les rossignols se mettraient à rôter. Et si la vie se crée dans le délire et se défait dans l'ennui. Tout un programme, je me réjouis de vous retrouver lundi à 10h. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en téléchargeant l'application Radio France, par exemple, qui vous permet d'écouter l'émission en direct, ou bien en podcast, en téléchargement, ce qui permet de vous l'écouter, pour vous de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous retrouve sur les réseaux également, Facebook, Twitter, Instagram. On est ravis de lire vos commentaires. À lundi, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.